Exercice 3. Tu es étudiant? 1. Vous étudiez ici? 2. Elle prépare un examen. 3. La salle est ouverte. 4. Le professeur est dans la classe? 5. Le cours commence à 10 heures? 6. On présente l'exposé demain. 7. Il cherche un stage?